años pasan en la tierra. Les pièces du jeu sont couchées sur le sol. Cosas caminan to emptiness. Les pièces du jeu sont couchées sur le sol. Cosas caminan to emptiness. Still spanning on rainbow.